Et il est 17h10, tout pile. On est à l'heure pour qui? Pour Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour François. Ça va en ce lundi férié? Mais ça va très bien. Très avec bien. La température qu'on a aujourd'hui. Oh, tu m'étonnes. Raymond Poirier, donc, on ne le présente plus sur CKRL, mais présentons-le encore, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société. Et aujourd'hui, Raymond, toi qui nous parles de technologie de l'information à chaque lundi, très intéressant comme chronique, tu vas nous parler de l'e-gouvernement. Exactement. Toute la question de la gouvernance en ligne, je vois peut-être un peu le contexte de ce mm-hmm. sujet-là, parce que c'est rattaché à une initiative à laquelle l'Université Laval va participer, une initiative qui a été développée en collaboration avec l'Institut de technologie de l'information et société, qui s'appelle Gov Polynet. Alors, on parle d'un regroupement de chercheurs, d'institutions de recherche, une vingtaine d'établissements à l'échelle internationale, principalement en Europe, mais il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis également, au Canada. Et l'idée, c'est de lancer une entreprise de réflexion collective qui est jugée comme cruciale pour l'avancement du dossier du gouvernement en ligne et de tous les éléments qui lui sont rattachés, cyberdémocratie, cyberparticipation. Les chercheurs de l'Université Laval vont se joindre à l'initiative pour réfléchir sur une pluralité de thèmes dans une perspective vraiment pluridisciplinaire, multidisciplinaire. On va parler de gouvernance, de participation citoyenne, de cohésion sociale, de gestion des politiques, de simulation sociale, visualisation, etc., etc., etc. Donc, une vaste, vaste entreprise qui arrive, à mon sens, à un point crucial, autant ici qu'en Europe, dans le développement de la réflexion et l'éventuelle mise en place, justement, de ce e-gouvernement. Alors justement, Raymond Poirier, est-ce que tu pourrais nous expliquer à nous et au grand public ce qu'est le e-gouvernement? Oui, ben en fait, une petite mise en contexte mm-hmm. rapide pour introduire un peu la nécessité de ça. En fait, c'est qu'on est au cœur présentement de ce qu'on pourrait presque appeler une révolution numérique. L'individu occupe une place centrale dans cet écosystème-là, sur le web notamment, à cause de l'évolution rapide du comportement des gens face aux communications, à cause de l'évolution de l'accès à l'information, à la consommation, à la distribution de l'information. Donc, ce qui fait que les gouvernements doivent changer aussi, dans ce contexte-là, leur manière d'agir avec les citoyens et citoyennes, leur manière d'interagir avec ces mêmes personnes et leur manière aussi de fournir l'information et de recevoir l'information. Donc, de manière générale, le e-gouvernement, c'est l'emploi de technologie de l'information et de la communication pour améliorer ces processus-là, donc la communication entre usagers, entre administration et le reste. On parle de support assez vaste. Donc, oui, c'est le web, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Ça peut être téléphone mobile, ordinateur, ça peut être d'autres formes technologiques, par exemple, comme les cartes à puce. Ça peut autant toucher le vote électronique que la vidéosurveillance, que l'ouverture de données et le reste. Donc, c'est un dossier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement vaste. C'est ça. En gros, voilà, le public, les citoyens se mettent à Internet, à toutes ces nouvelles technologies. Évidemment, eux se disent, les gouvernements, il faut qu'on s'y mette aussi, il faut qu'on fasse nos sites Internet, nos Facebook et tout ça. Quoi. Oui, et les gouvernements sont appuyés là-dedans par des organismes comme l'ONU aussi, qui leur disent, ben, s'il vous plaît, c'est le moment de réfléchir à l'intégration de ces supports-là et à leur éventuelle intégration. Je parle notamment il y a eu un forum du 27 au 30 septembre à Nairobi, et dans cet événement-là, Thomas Elzer, le sous-secrétaire général pour la coordination des politiques et les affaires interinstitutionnelles de l'ONU, a affirmé que des efforts étaient déployés actuellement pour aider les pays à mettre en œuvre des stratégies des gouvernements, et eux disent, ben, regardez, ça devient nécessaire, d'un côté pour l'efficacité gouvernementale, de l'autre côté pour la transparence du gouvernement, parce que si les données sont accessibles, ça vient renforcer la démocratie. Si les fonctionnaires et les gens qui gouvernent les pays sont plus accessibles plus facilement, mais encore là, ça renforce une certaine forme de démocratie. Tout ça vient également encourager la participation citoyenne. Donc, il y a beaucoup de bonus. En plus, les gouvernements ont identifié qu'il y avait même de l'argent à sauver là-dedans, parce que justement, les services vont se faire peut-être de manière plus rapide, sans intermédiaire. On n'utilise pas de papier, etc., évidemment. Mais ce passage d'une information l'information papier concrète, c'est-à-dire à l'information informatique par Internet, je pense que ça doit prendre du temps et c'est aussi peut-être, c'est pas si facile que ça parce que les gens ont l'habitude d'aller voir les gens dans les bureaux administratifs, etc., etc. Et là, on leur dit non, tout se passera sur Internet. Donc, ce changement de communication doit prendre du temps, je pense que c'est pas forcément évident. Oui, en fait, il y a plusieurs facteurs là-dedans, François, je dirais. Dans un premier temps, c'est une question d'accès. Tout simplement, en fait, il y a des sondages qui ont identifié qu'il y avait pratiquement 20 à 30 % de la population, ici au Québec notamment, qui n'avait tout simplement pas accès au web, faute de moyens, faute de connaissances. Et on se rappelle d'ailleurs à ce titre-là que la même ONU, il y a ça plusieurs mois, je crois que c'était au printemps, il avait fait une sortie en disant, mais regardez, ça serait le temps que collectivement on reconnaisse l'accès à Internet comme un droit. Déjà dans l'état où c'est actuellement, il y a tellement d'informations, il y a tellement de ressources qui sont là que les gens qui n'y sont pas ou qui n'ont pas de moyens de s'y trouver se trouvent peut-être en j'ouvre les guillemets, en déficit démocratique par rapport aux autres citoyens et citoyennes. Donc, il y a une question d'accès, il y a une question de formation. Dans un deuxième temps, et là, c'est la part aussi des gens qui créent les portails gouvernementaux, par exemple, c'est de s'assurer que les sites sont faciles à naviguer, que c'est instinctif. Et je me rappelle, si on retourne aussi au printemps, il y a un organisme québécois qui s'appelle le Cefrio qui a fait un sondage assez large auprès d'entreprises, auprès de citoyens, pour voir un peu comment eux étaient leur relation avec les sites web gouvernementaux. Et ce qui en était ressorti, c'est qu'on avait tendance, comme tu le disais, à aller sur le web pour aller chercher l'information, mais pour ce qui était des transactions, on préférait passer de personne à personne et on citait trois raisons. Des craintes liées à la sécurité des transactions, obtenir une preuve tangible que la transaction a bel et bien été effectuée ou, dans certains cas, une inconscience complète du fait que ce service-là était disponible sur Internet parce que mal publicisé, parce que pas facile à trouver, etc., etc. C'est un peu ça le problème, c'est que beaucoup connaissent Internet, beaucoup côtoient Internet chaque jour, mais quand il s'agit de choses importantes et officielles comme l'achat sur Internet ou même les choses officielles comme l'administration, et on est un peu plus réticent, les gens achètent moins sur Internet parce que c'est risqué, et pareil pour ça, je pense pour les transactions administratives, c'est un peu la même chose, quoi. Et ça va venir à changer à la longue. Même en fait, de plus en plus, les Québécois, Québécoises, autant qu'ailleurs à l'international, on achète de plus en plus sur le web. Donc, tranquillement, il y a un renversement, mais j'ai l'impression que ça reste encore un peu dans les préjugés, en fait. C'est cette crainte par rapport au web, cette crainte du hacking et le reste. Mais rationnellement, quand on y pense, on a pratiquement plus de chances de se faire pirater une carte de crédit ou une carte de guichet que de se faire pirater une opération sur le web, ou à tout le moins des chances équivalentes. À la limite, ce serait intéressant de ressortir des études là-dessus. Un des points d'ancrage, d'ailleurs, qui est proposé face à tout ça, parce que je te mentionnais tout à l'heure, au niveau de l'architecture des sites, il y a certaines craintes, et des fois, ça devient difficile pour le citoyen moyen d'aller trouver une information et de l'obtenir de manière conviviale. Et donc, il y a des entrepreneurs qui... dans cette lignée-là, eux disent, mais regardez, pourquoi ne pas rendre tout simplement les données accessibles? Donc, les données de Statistique Canada, par exemple, l'Institut de la Statistique du Québec, des horaires d'autobus, les planifications de chantier, et d'autres données comme ça qui ne sont pas des données sensibles. Donc, simplement de les rendre accessibles dans un format qui est organisable dans la programmation. Et essentiellement, eux disent, vous n'avez pas nécessairement le temps et les moyens de développer des programmes pour toutes les formulaires, pour tous les données que vous avez. Donc, laissez la chance à d'autres de les intégrer, de les utiliser. Si ça fonctionne, ça sera tout simplement une belle manière de mettre en évidence des données qui sont déjà produites et pour lesquelles le contribuable a, j'ouvre les guillemets, déjà payé de par justement les taxes, impôts et le reste, puisque c'est des données qui sont techniquement publiques. À Québec, c'est un organisme qui s'appelle Capital Ouverte qui fait ces demandes-là. Il y a un organisme similaire à Montréal aussi. Et essentiellement, ils ont identifié, donc il y avait des tonnes et des tonnes de données comme ça qui étaient produites, qui n'étaient pas nécessairement bien intégrées. Le Québec, sur ce dossier-là, qui est peut-être un peu en retard comparativement à d'autres provinces canadiennes, à d'autres villes canadiennes, d'autres pays également, si on se compare à l'Angleterre, qui est beaucoup plus en avance sur simplement rendre disponibles des informations, Au Canada, on parle de Vancouver, d'Ottawa, d'Edmonton, de Toronto, qui sont bien en avant aussi sur ces démarches-là. Bon, c'est certain qu'il y a toujours des questions face à la sécurité, la culture du secret, la vie privée. Donc, il y a quand même des questions éthiques autour de ce dossier-là. Mais il reste, et je te cite là-dessus, Serge Soudou-Platoff, qui est responsable de la prospective numérique pour Fundapol, qui lui disait dans une entrevue au journal Le Monde que les données ouvertes, donc ce qu'on appelle l'open data, c'est l'un des trois piliers du gouvernement 2.0, comme nous le montre donc l'exemple australien. Il doit être associé à l'utilisation d'outils 2.0, d'outils collaboratifs pour plus de transparence, pour améliorer les relations entre l'administration et les citoyens. Et il faut également une profonde transformation culturelle interne pour améliorer ces relations-là. Donc autant le citoyen de son côté qui doit être ouvert à utiliser ces éléments-là, mais autant le gouvernement doit aussi, on parlait de secret, ben, avoir ce désir justement de rendre plus transparente peut-être certaines de ces données-là. Mais à quand pourront dire les gouvernements, les municipalités en disant oui, l'information qu'on a mis, enfin, s'il y a un problème avec l'administration, et à quand l'administration pourra renvoyer la personne, le plaignant au site en disant bah, on l'avait dit sur le site internet, c'était marqué, à quand ces informations seront officielles, parce que souvent c'est présenté comme une information en plus, un moyen plus facile d'y avoir accès. Mais à quand ils pourront dire, c'était marqué sur le site internet, tant pis pour vous, enfin voilà, quand ça sera officiel, quoi. J'imagine que ça sera quand tout le monde va avoir un accès au web, tous les sites vont être facilement accessibles, facilement gérés, facilement transparents et le reste. Il y a de plus en plus d'informations qui est disponible à travers ces canaux-là, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour que ça soit véritablement efficient. Et je te disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de gouvernements qui s'intéressaient justement à cette intégration-là pour le faire de manière intelligente, de manière stratégique aussi. Le gouvernement du Québec, actuellement, là, au moment où on se parle et depuis quelques mois déjà, il y a une grande consultation publique qui a été amorcée là-dessus, qui s'appelle la consultation Gautrain sur le web 2.0. Mettez ces termes-là sur votre navigateur Google, vous allez tomber sur la page de la consultation. Et eux essaient de réfléchir justement à de quelle manière des initiatives 2.0 pourraient être intégrées de la part du gouvernement du Québec. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui sera proposé. Le rapport atteint sa conclusion en décembre prochain. Et parallèlement, ce sera intéressant aussi de voir qu'est-ce qui va ressortir de cette grande réflexion internationale. Parce que les questions qu'on a soulevées, toi et moi, au fil de la chronique, et sûrement il y en a d'autres qui sont venues aussi en tête chez les auditeurs ou auditrices, mais c'est des questions qui sont bien souvent assez fondamentales et pour lesquelles on a des éléments de réponse, mais on n'a pas encore de réponses qui sont définitives, parce que oui, il y a intégration qui est faite donc du 2.0, mais on est encore, à mon sens, beaucoup à la réflexion sur comment bien le faire, comment bien le réussir pour éviter un maximum d'écueils et rendre des services les plus accessibles et les plus viables possibles pour justement la population. Et donc, en ce sens-là, des initiatives comme IGOV, Polynet vont être assez riches, et même pour ici, pour Québec, mais ça va nous donner un accès qui va être extrêmement stimulant à une expertise européenne, à une expertise américaine, à une expertise australienne autour de ce dossier crucial-là, puisque on vient d'entrer dans un mécanisme international où les échanges de savoir, les échanges de connaissances vont être mis de l'avant, vont être mis en valeur. Mais ce sera intéressant de voir aussi parallèlement comment les réflexions qui vont être apportées à travers IGOV Polynet vont s'accrocher, que ce soit à des initiatives comme la consultation Gautrain du gouvernement du Québec, ou que ce soit aux démarches de l'organisme Capital Ouverte qui lui prépare aussi des petites séances de brainstorming autour de la question du gouvernement en ligne. Alors, on est à une période extrêmement riche côté réflexion présentement, et ce serait intéressant de les suivre. Et ça le promet, évidemment. Donc, si on peut conclure cette chronique à Raymond Poirier, c'est évidemment de dire que, oui, OK, donc les gouvernements, les administrations se mettent à la page, se mettent, comme les citoyens, se mettent sur Internet et toutes ces informations, le e-gouvernement, mais en plus de ça, c'est écologique, mais pour que tout ça se mette bien en place, il faudrait que tout le monde ait accès à un droit direct à Internet, à ces informations, tout simplement, quoi. Voilà, merci Raymond. Ça fait plaisir. Merci Raymond. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Tania. Cette fois-ci, tu auras une femme derrière la vitre. T'en rends compte? Quelle chance. Tu retrouveras Tania la semaine prochaine pour d'autres infos, pour l'information, la technologie de l'information. On le rappelle, tu es chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société. Oui, et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur différents dossiers, www.itis.ulaval.ca. Parfait. L'information est dite. Merci Raymond.